Le soleil de ce qui fut aujourd'hui s'efface dans les ténèbres de mon attente longue. Ma bien-aimée repose ici si proche. Si tu m'aimes, pourquoi fuis-tu ma vie? Elle s'éveille auprès de moi à chaque heure. Elle atteignait une maîtresse de tout mon être. Extase si désirée, si atteinte, renonçant à l'estime des autres. Nous sommes des étreints qui finissent en vide sur des précipices implacables. Moi, prince envoyé par la Perse pour une bibliothèque d'énigmes. Et bien que nous chérissions un avenir, ces amis barbares insistent. Tu n'es pas belle, les barbares épousent n'importe quel grec pour sa naissance. Mon épée lacérée par les rochers, mes armures déformées dès l'enfance. Je laisse au crépuscule quand je reviens imperceptible à ma bien-aimée étrangère.